Je cherche les affaires, je suis un homme de l'an 2000. J'investis dans le nucléaire, le pétrole et l'automobile qui pollue l'eau et l'atmosphère. Je sais, je ne suis pas imbécile, mais tu vois, j'en ai rien à faire. L'argent m'est encore plus utile pour vivre comme je veux sur cette terre. Pour la moindre de mes envies, une grande villa en bordure de mer, petit loft au centre-ville, jet privé ou hélicoptère. Sur la route, c'est la limousine de cette villa, moi je suis fier. Le reste me paraît futile. Je viens de la rue, je suis un parvenu. Je partage rien avec personne, donc je vais en profiter un maximum moral. Je me pardonne, sentir puissant et relax dans mon fauteuil au téléphone. En carton noir, en téléfax, c'est comme ça moi que je résonne. Pas me faire chier quand je suis furax. Je viens de la rue, je suis.